Je peux stationner à cheval sur le trottoir de droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le trottoir de gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D.